aberrant que nous soyons ensemble malgré tout depuis plus d'un an. On fait donc semblant comme c'est amusant. Quand on se parlera vraiment, ce sera intéressant. Jurons de rien. Qui sait si en chemin nous n'en verrons pas d'autre. N'ayons peur de rien. C'est sans être crétin. Sans être crétin.